Exercice 3. Il faut dire qu'aujourd'hui, la communication est très développée. D'accord, mais... Mais qui n'a pas son portable aujourd'hui? Et qui n'a pas son ordinateur connecté à Internet? Qui n'a pas... Je crois que la communication est encore difficile dans certains secteurs, par exemple le secteur public.